La bande conservatrice sud-coréenne contient mal son inquiétude maximale sur l'attitude de l'administration Trump encline à s'approcher de notre République. À propos de la politique coréenne de Trump, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Yoon Byung-se, a jacassé que l'essentiel de cette politique réside aux sanctions et pressions, que ce n'est pas encore le temps de faire le dialogue avec le Nord et que les États-Unis et la Corée du Sud ont une même attitude sur la politique vis-à-vis de la Corée du Nord. Le porte-parole du ministère sud-coréen des Affaires étrangères aussi a péroré que la condition du dialogue n'est pas réunie et que reste inchangé le principe fondamental selon lequel l'abandon du nucléaire par le Nord est la condition préalable.